tous, vous êtes sur le 89.5 avec Radio Duo. Vous écoutez Cours Émilie, le vieux monde est derrière toi. Aujourd'hui, je suis avec Cassandre et Delia à la régie. Vous vous êtes sûrement déjà senti observé, décortiqué, analysé, comme si on vous passait au rayon X. Bref, vous avez tous déjà expérimenté le regard des autres. Et c'est de lui qu'on va parler aujourd'hui. Ce regard qui peut autant effrayer, complexer, comme ne pas exister pour certains. Freud parlait du pouvoir réflexif, du regard d'autrui, mais nous on n'est pas Freud, et on est plutôt allé demander aux jeunes ce qu'ils en pensent. On va les écouter d'ailleurs tout à l'heure, mais avant j'avais envie de vous parler d'une musique que j'adore, qui s'appelle « Leave Out All the Rest » de Linkin Park. Cette musique, c'est vraiment une musique qui me fait me sentir vivante, c'est quelque chose qui me... Enfin, j'ai vraiment l'impression que Chester Bennington, il chante avec toutes ses tripes, et du coup c'est vraiment quelque chose qui me galvanise au possible, c'est très fort, et c'est le genre de musique qu'il faut écouter à fond dans la voiture, la nuit, quand on rentre de soirée ou quand on va en soirée, ou même quand on est en voyage. Enfin, c'est vraiment une musique qui nous fait sentir comme si la vie, elle devait être vécue à fond tout le temps. Et voilà, du coup, tout de suite, on s'écoute Leave Out All the Rest de Linkin Park. I dreamed I was missing. You were so scared, but no one would listen, 'cause no one else cared. After my dreaming, I woke with this fear. What am I leaving when I'm done here? So if you're asking me, I want you to. Merci beaucoup Sarah pour cette chanson. On va maintenant écouter Timothée, Pauline, Maëlle, Émilie, Chloé et Merwan, des jeunes qui ont bien voulu répondre à nos questions. Tu peux te présenter s'il te plaît? Tout à fait, je m'appelle Chloé Desmarais, et je suis en terminale à Beauregard à Montbrison dans la Loire. Quand je te dis le regard des autres, tu penses à quoi? Je pense beaucoup à l'apparence physique, c'est ce que ça m'évoque en premier. Le fait que, par exemple, la façon de s'habiller soit très influencée par le regard des autres. Peut-être aussi au niveau du physique, tout ce qui est se cacher, en fait, être discriminé pour son apparence physique et peut-être du coup avoir du mal à assumer des fois certains traits, certaines choses aussi, donc en dehors du physique, ne pas assumer de faire certaines activités, de faire d'avoir certaines façons de parler, façons de vivre, ou même, c'est ce que ça m'évoque. Est-ce que le regard des autres, il impacte le rapport que tu as avec ton corps ? Comme je disais, oui, plutôt oui. Déjà par rapport à la façon de s'habiller, ça peut arriver des fois qu'on se sente mal dans son corps, et donc, personnellement, je sais que je vais adapter ma façon de m'habiller, je vais mettre des vêtements plus larges et être moins à l'aise. Et puis ça dépend des périodes aussi, où des fois il y a un peu des pics de confiance, je pense, et ça devient plus facile de sortir et d'être plus à l'aise en public. Est-ce que le regard des autres, c'est quelque chose qui te pèse au quotidien ? Pas au quotidien, parce que j'essaie de me détacher tous les jours, tous les matins. Enfin, je me dis pas directement « Ah, le regard des autres va être comme ça, ou comme ci ou comme ça sur moi ». Donc j'essaye en fait de me détacher quand même par rapport à ça. C'est plus, par exemple, au lycée, bon c'est vrai que c'est tous les jours, mais des fois au lycée, certaines journées, il va y avoir tels événements, ou par exemple des oraux devant la classe, ou des choses comme ça. Et là c'est vrai que j'ai plus tendance à me dire « Ah, il faudrait que je sois un peu habillée comme ça, ou que je sois un peu, ou que je parle comme ça, et que je prenne une autre attitude par rapport à ce que j'ai d'habitude ». Est-ce que ça t'est déjà arrivé une fois où t'as pas fait quelque chose que t'aurais bien aimé faire à cause du regard des autres ou du jugement qu'on aurait pu porter sur toi ? Oui, c'est déjà arrivé dans le cadre des concerts qu'on a fait à la maîtrise de la Loire, où par exemple ils proposaient de faire des solos et j'ai pas osé par rapport à ça. Et je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là, parce que c'est difficile, c'est difficile de se mettre en avant, alors que c'est vrai que comme c'est une école de chant choral, c'est hyper confortable d'être dans le cœur et d'être porté par les autres plutôt que de se démarquer et de se mettre en avant. Mais c'est vrai que maintenant je le regrette, parce que ça aurait été sympa d'avoir un rôle et de se démarquer un peu. Est-ce que tu penses que notre génération elle est plus impactée par le regard des autres que les précédentes ? Je vais dire quelque chose d'assez classique, mais sûrement avec les réseaux sociaux, c'est compliqué. C'est compliqué de ne pas avoir un impact encore plus fort, parce que sans les réseaux sociaux, il y avait déjà le regard des autres extérieurs dans la vie de tous les jours, et maintenant, en plus, il y a des critères ajoutés et renforcés par les réseaux sociaux, que ce soit des normes de beauté, des normes sociales, enfin plein de critères. Et c'est vrai qu'il y a vraiment une injonction en permanence. Et il faut vraiment réussir à se détacher de ça et à savoir qu'on est unique et qu'on peut être, chacun peut être comme il veut tout le temps, en permanence. Et voilà, il faut réussir à se détacher de ça. Et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire, à ton avis, pour se détacher du regard des autres ? C'est quoi tes conseils ? Déjà, arrêter de regarder en permanence les réseaux sociaux, parce que c'est vraiment pas la norme et c'est... Et on impose... Il y a plein de tendances qui sont vraiment effrayantes sur comment il faut être, même genre modifier son physique, avoir une alimentation différente, les régimes, tout ça. Enfin, c'est... Faut vraiment arrêter d'être en permanence là-dessus, ou voilà, faut ignorer, en fait, tout ça. Et sinon, dans la vie de tous les jours, faut être positif et arrêter. Et vraiment, enfin... Je sais pas comment, j'ai pas de méthode miracle, mais ce serait vraiment les matins se lever et savoir qu'on est génial, et puis voilà, tout le monde est génial et qu'on s'en fout des autres. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Pas spécialement, mais c'était sympa de participer. Merci à toi. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Bonjour, je m'appelle Maëlle Paul et je suis en terminale au lycée Borgard à Montbrison. Quand je te dis le regard des autres, ça t'évoque quoi ? Ça m'évoque la façon dont les autres nous perçoivent, nous, notre personnalité ou notre comportement, j'imagine. Est-ce que le regard des autres, c'est quelque chose qui te pèse ? Bah, dans certaines situations, oui, j'imagine. Faut pas mentir, hein. Mais dans la vie de tous les jours ou globalement, je pense pas tant. Et dans quelle situation il devient pesant le regard des autres ? Bah, j'imagine quand on doit prendre une décision importante, je sais pas, peu importe laquelle, et on se demande toujours comment les autres vont réagir, comment ils vont penser, enfin, ce qu'ils vont penser de nous ou de nos choix, j'imagine. D'où ils viennent les regards qu'on pose sur toi ? Des autres ? Est-ce que c'est plutôt les adultes ? Est-ce que c'est plutôt les réseaux, les gens de ton âge ? Alors les réseaux, pas trop, je pense, parce que je suis pas hyper connectée, donc le regard sur les réseaux ou sur mobile, je suis pas très concernée. Mais sinon, les adultes, oui, forcément, vu que je suis encore techniquement une enfant. Les adultes jugent beaucoup que la façon dont on grandit et de la façon dont on devient qui nous sommes censés devenir. Mais aussi beaucoup les gens de notre âge, en fait, qui se comparent sans cesse les uns les autres. Est-ce qu'il y a une fois où t'as pas osé faire quelque chose que t'aurais aimé faire à cause du regard de quelqu'un ou... Oui, sûrement. Enfin, l'exemple ne me vient pas en tête, mais c'est sûr, en fait. Tu penses que c'est quelque chose qui est arrivé à tout le monde ? Oui, forcément. Parce que même si on n'est pas forcément visé par le regard des autres ou qu'on est plutôt à l'aise, au contraire, avec ça, il y a forcément un moment donné où on a eu trop de pression ou au contraire, on a entendu beaucoup de non-dits ou qu'on a vu beaucoup nos regards portés sur nous et ça nous a forcément fait paniquer ou changer d'avis en fonction de ce qui s'est passé autour de nous, en fait. Est-ce que tu penses que notre génération, elle est plus impactée par le regard des autres que celle d'avant ? Je pense que n'importe quelle génération a été portée par le regard des autres, mais de façon différente. N'importe quelles époques, n'importe quelle génération. Juste, on le vit différemment à notre époque parce qu'il y a beaucoup plus de communication que les autres, qu'avant, je pense. À ton avis, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour se détacher du regard des autres ? S'assumer plus et ne pas avoir honte de qui on est, de ce qu'on fait et être fier de nous-mêmes, je pense. C'est important, tu penses, de se détacher du regard des autres ou parfois il peut être utile ? Dans certaines occasions, il peut être utile. Si justement on est trop paniqué ou qu'on n'arrive pas à avoir une situation d'ensemble, quelqu'un peut nous aider à nous recentrer ou à mieux voir ce que nous on voit, mais ce qu'on voit pas en fait. Donc je pense que le regard des autres ou l'aide des autres peut nous être utile, bien sûr. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Merci pour cette interview. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Alors bonjour, moi c'est Méroane, je suis en terminale générale au lycée Claude Fauriel et aujourd'hui je vais être interviewé par Delia. Alors tout d'abord, est-ce que le regard des autres te pèse ? Moi personnellement non, après pour certaines personnes je pense que ça peut être pesant de par leurs caractéristiques physiques. Est-ce que tu penses que les regards qu'on peut poser sur toi ou sur ton entourage, ils viennent plutôt des réseaux sociaux, du lycée, de la famille, des personnes à l'extérieur ? Je pense que ça vient plutôt du comportement qu'on donne au regard des autres, par rapport au regard des autres. Mais ouais, du coup au lycée et dans la vie de tous les jours, ouais, ça peut être gênant, mais après c'est notre comportement. Ouais, du coup, tu trouves qu'il y a un jugement particulier au lycée et de la part, enfin, dans quel contexte plutôt ? Bah, par exemple, si on fait des bêtises, si on bavarde en classe, si on fait un petit peu n'importe quoi, bah, on peut être traité de cassos, de cas social, etc. Du coup, ouais, il y a un jugement, mais par rapport au comportement, pas au physique. Ouais, donc tu trouves que toi, dans ton quotidien, il n'y a pas tellement, ni dans ton entourage, c'est pas tellement par rapport au physique, c'est plus le comportement et la personnalité. En fait, ouais, notre comportement, bah, moi, personnellement, il y met un jugement par rapport aux autres, qui n'est pas forcément le bon. Après, c'est mon comportement. Selon toi, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mieux se détacher du regard des autres ? Et est-ce qu'il faut s'en détacher ? En fait, il faut être un petit peu moins introverti, moins timide, et il faut se lâcher. Avoir des amis, et voilà, faut rigoler et tout. Est-ce que tu penses que notre génération, elle est plus impactée par le regard des autres que les générations d'avant ? Ouais, je pense, bah, dû aux réseaux sociaux, etc. Et ouais, notre regard, bah, le jugement, ouais, il est plus impacté, je pense. Est-ce que, enfin, selon toi, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mieux se détacher du regard des autres ? Est-ce qu'il faut s'en détacher? Est-ce que tu penses qu'il faut se comporter indépendamment de ce que les autres vont penser? Quand on dit les autres, si on parle... En vrai, c'est toi qui me dis, ça peut être par rapport à ta famille, par rapport à tes amis, puis même par rapport au professeur au lycée, par exemple. Je vais donner un exemple tout bête. Par exemple, moi, si je veux changer de genre, je veux devenir une fille, je m'en fous, je regarde ma famille. Je vais le faire, même si on me dit de pas le faire. C'est moi, en gros. Et c'est autorisé par la loi. Tant que c'est autorisé par la loi, et que en gros, c'est moral, ça respecte une morale, etc., je m'en fous, je regarde les autres. Et comment tu penses qu'on peut avoir cette confiance de faire les choses et indépendamment de l'entourage? Je pense que... faut avoir des amis. Parce que il y a la famille d'un côté, mais... faut aussi avoir des amis, je pense. Et s'ils sont avec toi, etc., faut foncer. Sinon, après, si on n'a pas d'amis et tout, ça craint un petit peu. Ok, merci beaucoup. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose en particulier? Non, soyez vous-même, c'est tout. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Je m'appelle Pauline, j'ai 17 ans, je suis en terminale. Quand je te dis le regard des autres, tu penses à quoi? Je pense pas mal au jugement de couloir. Tous ces gens qui vont se permettre de juger ton apparence ou ta personne tout simplement dans les couloirs du lycée. Je pense que c'est surtout à ça qu'on pense quand on dit cette expression. Est-ce que le regard des autres, c'est quelque chose qui te pèse? Plus tant que ça. Oh, ça, c'est beau. Dans ce cas, comment t'arrives à te détacher du coup du regard des autres? Je me dis que je m'en fiche, tout simplement. Le regard des autres, le jugement des autres, ça a de l'importance que quand on lui donne de l'importance. Donc, c'est pas ça qui nous définit vraiment. Et du coup, est-ce qu'il y a eu des périodes où ce regard, il avait de l'importance pour toi? Au collège. Ah ouais, c'était vraiment la période. La pire période, le collège. Et ce regard des autres, du coup, il venait de qui? Il venait des adultes ou plutôt des gens de ton âge? Ou alors peut-être des réseaux, des médias? Plutôt des gens de mon âge, parce que les réseaux, j'en avais pas. Mais globalement, c'était pas très facile comme période. Est-ce que t'as une anecdote? Est-ce qu'il y a une fois où tu te souviens, ça t'a marqué, où tu t'es empêché de faire quelque chose à cause du coup du regard des autres et de ce que les autres auraient pu en penser? Je pense probablement. J'ai pas d'anecdote là tout de suite, mais je pense, par exemple, des vêtements que j'ai pas osé porter alors que je les aimais bien, parce que c'était soit trop décolleté, soit c'était pas à la mode, soit c'était vieux. C'est beau les vieux vêtements pourtant. Est-ce que tu penses que notre génération, elle est plus impactée par le regard des autres que les précédentes? Par exemple celle de nos parents ou celle après nos parents? Je pense qu'on lui donne peut-être plus d'importance au regard des autres aujourd'hui, notamment avec les réseaux sociaux. Je pense qu'on est plus impacté parce qu'il y a vraiment cette nouveauté des réseaux. Du coup, on peut être un peu exposé en permanence. Donc pour moi, oui, on est plus touché, mais aussi parce qu'on lui donne plus d'importance. Justement avec ces réseaux sociaux. À ton avis, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour se détacher du regard des autres collectivement? Essayer de pas le considérer comme quelque chose de vraiment central dans notre vie. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Ouais, du coup je m'appelle Timothée, je suis en terminale, je fais de la musique, et puis voilà, c'est à peu près tout. Quand je te dis le regard des autres, qu'est-ce que ça t'évoque? Du coup forcément un peu de pression, parce qu'on a tous un rapport différent au regard des autres, mais globalement ça va être quelque chose qui va quand même nous faire réfléchir à deux fois avant de faire une action, et donc voilà, ça peut être... très pesant pour la plupart des gens, mais voilà. Est-ce que le regard des autres, c'est quelque chose qui te pèse? Alors, c'est... Oui, forcément. Donc j'essaye d'y faire de moins en moins attention. Je pense que ça va dépendre des gens. Par exemple, avec mes amis, j'ai pas du tout ce problème, ou presque pas. Après, j'ai de la chance d'avoir des amis que j'ai depuis longtemps. Mais globalement, je pense que, ouais, que ça soit au lycée ou dans la vie courante, ça me contraint, ou plutôt, je sens une sorte de pression, mais c'est pas du tout, enfin, comme la plupart des gens, je dirais. Voilà. Et dans quelle situation le regard des autres, il te pèse particulièrement ? Bah, ça dépend beaucoup des gens. En fait, je pense pas qu'il y ait vraiment de situation particulière. Par exemple, je sais pas, pour prendre l'exemple de la scène, quand je vais être sur scène, que ce soit pour de la musique ou pour d'autres trucs, j'ai pas trop ce problème de pression. Donc c'est pas forcément le nombre qui va jouer, mais je pense que c'est vraiment beaucoup en fonction des personnes. Donc par exemple, bah, si je suis avec mes amis, il n'y a aucun problème. Par exemple, Mais par contre, si c'est avec des gens que j'apprécie un peu, mais où j'ai un doute sur leur réaction face aux actions que je vais faire, ouais, ça peut être très pesant. Par contre, à l'inverse, si c'est des personnes dont je me désintéresse totalement, par exemple des personnes qui sont pas du tout en accord avec mes valeurs ou des trucs comme ça, je m'en fous un peu, quoi. Enfin, j'essaye. Est-ce que tu penses que notre génération, elle est plus impactée par le regard des autres que celle d'avant ? Forcément, avec les réseaux sociaux, Internet, tout ça, on va être plus impacté indirectement, du coup. Il y a surtout ce truc de normes sociales qui va beaucoup s'instaurer. C'est-à-dire que, bah, surtout avec les réseaux, on voit, on a une image biaisée de l'opinion générale. Et donc, on va avoir l'impression que tout le monde pense un peu la même chose dans notre bulle. Tout le monde prend les mêmes décisions. Et du coup, on va avoir cette impression que l'opinion générale est un peu binaire. Et du coup, on va avoir plus ce souci dans la vie courante, de soucier du regard des autres, parce qu'on va dire, punaise, les gens pensent forcément comme ça. Après, pour ce qui est de la vie hors des réseaux, en règle générale, bah, du coup, forcément, ça influe un peu. Mais ouais, je pense que notre génération, quand même, on est beaucoup plus sujet au regard des autres que les autres générations. Après, je me trompe peut-être, hein, j'en sais rien, mais j'ai l'impression quand même. À ton avis, est-ce que c'est important de se détacher du regard des autres ? Ou est-ce que ça peut, est-ce que le regard des autres, il peut agir comme un moteur ? Alors, bah, du coup, oui et oui, on va dire. En fait, c'est super bien d'arriver à se détacher du regard des autres, rien que pour se sentir mieux dans son corps. En fait, à partir du moment où on ne ressent plus la pression sociale, on va arriver à plus agir comme on est. C'est un peu bête de dire ça parce qu'on vit de culture, mais on va pouvoir quand même agir selon nos propres chefs sans tout le temps remettre en question nos actions. Mais à l'inverse, comme tu as dit, ça peut être un moteur parce que, par exemple, bah, je sais pas, en règle générale, de faire des bonnes actions, de s'investir dans un organisme... je sais pas, dans une association ou à l'inverse, je sais pas, dans un club de sport, enfin n'importe quoi en fait, ça va être valorisé socialement, on va dire. Du coup, dans ces cas-là, le regard des autres peut être un moteur, parce que forcément, quand on va commencer à faire quelque chose, eh ben, les gens vont dire « Ah, bah, c'est cool, super », et vont s'intéresser à ça. Donc oui, ça peut être un moteur, mais pour tout ce qui va être côté jugement négatif, bien que ça puisse servir à se remettre en question, ce qui est parfois cool, ça peut être quand même un frein, et c'est bien d'arriver à s'en détacher, ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait faire du coup pour s'en détacher ? En fait, c'est un truc qui va aller en même temps qu'arriver à s'en détacher. C'est-à-dire déjà apprendre à s'aimer soi et à se faire confiance. Mais du coup, c'est un travail sur soi, mais c'est aussi quelque chose qui va venir en arrivant à se détacher du regard des autres. C'est un travail qui va se faire des deux côtés un peu en même temps, je pense. Après, avoir des bons amis, un bon cercle d'amis, ça peut aider, parce que du coup, on va ressentir moins de jugement avec ces personnes. Donc déjà, ça peut faire une zone un peu plus confort à laquelle on n'est pas subi au regard des autres. Et aussi, je pense, moi, c'est un peu arrivé, mais ça vient avec l'âge, et je pense que ça va s'améliorer toute notre vie. Mais vraiment, se dire qu'en fait, à la moindre action qu'on va faire, les gens vont pas s'en souvenir, et puis même, on est tellement d'individus, en fait, on n'a pas du tout besoin, il ne faut pas essayer de satisfaire tout le monde. Vraiment, ce qui est important, c'est d'avoir une bonne image, j'aime pas ce terme, mais de pas faire, enfin comment dire, ouais, d'avoir une bonne image, mais c'est pas vraiment ça que je veux dire, vis-à-vis des personnes qu'on aime, donc de bien agir vis-à-vis des personnes qu'on aime, et pas plutôt chercher à se plier à toutes les exigences des personnes qu'on aime pas, en fait, ça sert à rien. Donc voilà. Est-ce que t'as envie de rajouter quelque chose ? Bah, c'est un sujet super compliqué, mais globalement, je pense qu'il ne faut pas trop se mettre la pression quand même avec tous les conseils qu'on peut donner. C'est quand même un truc super compliqué, la pression sociale, le regard des autres. Et je pense que c'est un travail qui ne se fait pas en un mois, voire même en un an. C'est vraiment tout au long de la vie. Il ne faut pas trop se mettre la pression vis-à-vis de ça. Et il faut avoir confiance un peu en l'avenir. Ça va s'améliorer avec le temps si on a des bonnes valeurs et un minimum d'amis. En fait, il faut faire confiance à l'avenir. Et c'est compliqué. Donc, appliquer les conseils qu'on nous donne, mais pas trop se mettre la pression, quoi. Okay. Eh ben, merci beaucoup. De rien. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Bonjour, je m'appelle Émilie Granger, j'ai 17 ans et je suis en classe de terminale à Montbrison. Quand je te dis le regard des autres, tu penses à quoi ? Alors pour moi, le regard des autres, je pense que c'est un peu la vision des autres par rapport à nous, ce qu'ils pensent de nous, et on a souvent tendance à penser qu'il va être négatif, ce regard, alors qu'en fait, il peut être aussi positif. Est-ce que le regard des autres, c'est quelque chose qui te pèse dans la vie de tous les jours ? Je pense que oui. Enfin, j'ai pas énormément confiance en moi, donc je pense souvent aux autres, leur avis sur moi, etc. Donc oui. Oui. Ces regards qu'on pose sur toi, ils viennent d'où ? De ta famille, de tes amis, des gens qui t'entourent, des réseaux peut-être ? Ça peut paraître un peu bizarre, mais en fait, c'est pas vraiment les gens proches, parce que du coup, je les aime bien et je me sens pas jugée pour eux, mais c'est plus les gens, des fois, que je connais un peu de loin, qui, j'ai pas l'impression qu'ils me connaissent pas vraiment, et du coup, je me sens jugée un peu par eux. La fin de l'interview d'Emilie a été coupée, malheureusement. Ce qu'elle disait à la fin, c'est que, d'après elle, le regard des autres, il est plus présent pour notre génération en particulier. Elle trouve qu'on se compare beaucoup et qu'on se soucie plus de l'image que les autres y peuvent avoir de nous. Voilà, c'était la fin de l'interview. Merci, Sarah. Et je tiens à remercier déjà tous les jeunes qui ont bien voulu nous répondre, parce que j'ai trouvé ça hyper intéressant et... On a un peu tous des avis à la fois très proches et à la fois qui diffèrent beaucoup. Donc j'ai trouvé ça très cool. Et puis pour vous laisser respirer un petit peu, j'ai décidé de vous passer une chanson que j'aime bien. Il me semble que je vous ai déjà fait découvrir le groupe Inhaler plus tôt dans l'année. Et à nouveau, je reviens à la charge parce que j'ai envie de vous faire écouter Eddie in the Darkness, qui est une chanson extraite de leur nouvel album sorti en février qui s'appelle Open Wide. Et je les ai vus récemment en concert, j'ai entendu la chanson en live et je me suis rendu compte que c'était ça le rock actuel pour moi. Et vraiment, elle me plaît beaucoup, donc je vous fais écouter ça. Eh bien, merci beaucoup Delia pour ce morceau très entraînant. Maintenant, chacune à notre tour, on va vous présenter notre inspiration culturelle du mois. Alors, je vais commencer. Moi, comme inspi culturelle de ce mois-ci, j'ai choisi de vous parler de Berlin et plus précisément de l'East Side Gallery. J'ai eu la chance de partir ces vacances 5 jours à Berlin. J'ai été surprise par la beauté de la ville, mais surtout par le climat de liberté qui y règne, en fait. Parce que les gens s'habillent absolument comme ils veulent, s'allongent dans les pelouses de la ville, vivent librement. Vraiment, c'est incroyable parce qu'en France, on n'a pas ça, tout simplement. J'ai plus particulièrement aimé encore l'East Side Gallery. Ce sont des centaines de peintures qui recouvrent les restes du mur de Berlin, qui est plutôt bien conservé d'ailleurs. Au total, on compte une galerie ouverte à tous, en plein air, d'1,3 km. Des artistes venus du monde entier y ont peint des fresques depuis la chute du mur. Les peintures portent des messages de paix et représentent souvent la chute du mur. L'atmosphère y est magique, on se retrouve plongé dans l'histoire de la ville et on la contemple. Alors, si vous avez l'opportunité d'aller à Berlin, passez-y vraiment, car c'est super. Tu nous incites au voyage, oui, publiciste. Exactement. Et bah moi, comme inspi culturel, j'ai choisi pour changer un film. Ce mois-ci, j'ai envie de vous parler de Mickey 17. C'est un film qui a été réalisé par Bong Joon-ho, celui qui a réalisé Parasite. Je vous pitche un peu le scénario. Mickey, incarné par Robert Pattinson, c'est un homme qui se retrouve embarqué dans la conquête d'une planète gelée. Il devient, en signant un peu trop vite un contrat, l'individu test. À chaque fois qu'il meurt, son corps est réimprimé et ses souvenirs sont réimplantés. Donc il va subir des choses inhumaines, des expériences qui vont permettre de pouvoir vivre en fait sur la planète sans mourir. Et en fait, il va vivre un enfer de douleur et de mépris, mais de toute façon, peu importe, on peut le réimprimer. Et moi, c'est ça qui m'a particulièrement marqué dans ce film, c'est en fait la violence psychologique et physique qui est imposée à Mickey et qui est totalement normalisée. En fait, il va vivre, déjà il prend le mépris de ses collègues parce qu'il est vraiment le sous-fifre, c'est vraiment un cobaye de laboratoire, quoi. Et en fait, ce film, pour moi, il questionne vraiment... j'ai pas regardé, d'ailleurs, de critique de ce film, j'aurais peut-être pu. Mais pour moi, en fait, ce film, il questionne la science et les découvertes, et surtout, quel est le prix, en fait, de ces découvertes? Est-ce qu'on doit vraiment gagner quelque chose en faisant telle découverte qui va peut-être faire avancer la science, la médecine, ou je sais pas? Mais ça, au détriment de l'humain. Et parce qu'en fait, les médecins et tous ceux qui entourent Mickey, en fait, sauf quelques personnages qui sont avec lui, tous les autres, en fait, ils sont complètement inhumains et ils le traitent comme un sous-homme. Et ce film, vraiment, pour moi, il est très fort. On en a entendu parler, mais je pense pas assez, je sais pas. Mais en tout cas, si vous avez l'occasion de le voir, il est vraiment bien. Il y a de l'humour aussi, hein, c'est pas qu'un film hyper gore, hyper trash. Mais franchement, il est vraiment bien. Et Robert Pattinson, franchement, je l'ai trouvé vraiment très bon. Parce qu'on ne voit pas du tout en lui l'acteur qu'il était dans Twilight et dans Harry Potter. Et du coup, moi, c'est ça qui m'a vraiment, vraiment plu. Donc, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. Je ne sais pas s'il passe encore. Ça donne trop envie. Ouais, merci, vraiment. Alors moi, pour changer, pareil que toi, je vais vous présenter un groupe de musique. Parce qu'écoute, il faut bien qu'on reste fidèle à nos petites habitudes. Et j'ai choisi de vous présenter le groupe Blossoms, qui honnêtement ressemble beaucoup à Inhaler, Arctic Monkeys, un peu le même style de musique, mais c'est quand même plus soft et beaucoup plus calme et doux, même si c'est très entraînant la plupart de leur musique. Et c'est pour ça que ce groupe me plaît beaucoup. Donc pour la petite histoire, ils viennent de la région de Manchester, évidemment, ils sont britanniques, comme la plupart des grands groupes de rock. Et il y a quelques années, en 2013, ils ont commencé à faire de la musique. Ils ont sorti leur premier album en 2015 et ils font toujours des albums depuis. Ils n'ont pas vraiment décollé dans les médias, même s'ils ont réussi avec leur dernier album qui est sorti en septembre à être top 1 dans les records britanniques, je crois, pendant une ou deux semaines. Donc en fait, c'est vraiment... la musique britannique dans toute sa splendeur, mais qui a un peu du mal à s'exporter ailleurs et qui pourtant est, à mon goût, superbe. Donc, pop rock, new wave, tout ce qu'il faut pour bien danser, quoi. Et pour la petite anecdote marrante, c'est que quand ils ont un peu commencé la musique et qu'ils ont commencé à tourner, Inhaler, le groupe que je vous ai passé juste avant, a fait leur première partie de concert avec eux. Et là, quand je suis allée voir Inhaler, c'était Blossoms qui faisait la première partie d'Inhaler. Alors que c'est les grands chefs bien plus anciens. Mais en fait, j'ai trouvé ça super marrant de voir comment, en fait, ça peut se retourner dans le monde de la musique et comment la popularité, ça peut faire changer toute l'organisation d'un truc alors que c'est les mêmes personnes, la même musique, la même temporalité. Donc, j'ai trouvé ça marrant. Et parce que la musique n'est pas musique sans musique, je vous passe un petit extrait pour vous faire découvrir ça. You shout, don't you leave me, don't you leave this incomplete. I wanna know if this road belongs. Voilà, c'était un petit extrait de Blossoms et j'espère que ça vous a beaucoup plu. Super. Ah ouais, vraiment, c'était trop bien. Et bah, Cassandre, si tu veux, je suis désolée, on va un petit peu vous faire enchaîner la musique, mais je te propose de nous présenter ta chanson. Allez, alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire écouter le morceau I Can Never Go Home des Shangri-Las. The Shangri-Las, c'est un groupe américain de 4 filles des années 60. I Can Never Go Home Anymore, ça raconte l'histoire d'une fille qui veut absolument partir de chez elle, qui veut fuguer, mais qui entend la voix et l'histoire tragique d'une autre adolescente qui lui dit qu'après, ce sera trop tard. C'est une chanson entraînante, aux paroles poétiques et au rythme saccadé et tragique. Plusieurs voix mélodieuses s'entremêlent, créant un dialogue presque intime entre conseils et témoignages. une chanson qui ne vous quitte plus la tête et qu'on écoute maintenant. Listen, does this sound familiar? You wake up every morning, go to school every day, spend your nights on the corner, just passing time away. Your life is so lonely, like a child without a toy. Then a miracle, a boy. And that's called glad. Now my mom is a good mom, and she loves me with all her heart. But she said I was too young to be in love, and the boy and I would have to part. And no matter how I ranted and raved, I screamed, I pleaded, I cried. She told me it was not really love, but only my girlish pride. And that's called bad. Now if that's happened to you, don't let this. I packed my clothes and left home that night. Though she begged me to stay, I was sure I was right. And you know something funny? I forgot that boy right away. Instead, I remember being tucked in bed and hearing my mama say, to mine. She grew so lonely in the end, angels picked her for their friend. And I can never go home anymore. And that's called sad. Merci beaucoup Cassandre, j'ai beaucoup aimé, c'est hyper poétique, vraiment c'est incroyable. C'est vrai. Ouah, ça m'a mis dans une autre ouais. Ambiance. Vraiment désolée là, j'ai attristé l'assemblée. Non, pas du tout. Ça nous a reconcentré pour commencer notre discussion sur le regard que les autres posent sur nous. Oui, alors vous en avez pensé quoi? Moi j'ai trop aimé interviewer ces gens qui sont hyper cool et j'ai beaucoup aimé parce qu'ils nous ont dit plein de trucs différents, c'était assez varié, enfin j'ai trouvé, enfin il y avait toujours une ligne conductrice mais voilà, c'était hyper sympa. Moi il y a un truc qui m'a que Pauline a dit que j'ai bien qui m'a marqué, c'est qu'en fait le regard des autres il a de l'importance mais que quand on lui en donne. Oui. Mais c'est tellement dur de ne pas lui en donner. Ouais, vraiment. Non, mais oui, tu as totalement raison. Oui. Et du coup, ouais, c'est... Je sais pas, c'est particulier. Et puis surtout, un truc qui est revenu, c'est que j'ai pensé en écoutant ces interviews, et j'ai trouvé ça vraiment affreux, c'est qu'on a beau faire tous les efforts du monde pour essayer de se détacher du regard des autres, à moins d'être complètement, quelque part, exclu un peu du monde, on est contraint à ce regard, parce que rien qu'un entretien d'embauche, en fait, on est jugé ouais. Pour qui on est. Et pourtant, ça, pour c'est accepté. Pour ce à quoi on ressent. C'est, voilà. Et, en fait, et puis même dans les pratiques, rien que quand tu flirtes avec quelqu'un ou quand tu rencontres des nouveaux amis, C'est un peu un choix qui se fait. Est-ce que cette personne, je l'aime bien? Est-ce que ça match ou pas? Et en fait, on juge la personne. On juge à quoi elle ressemble, son corps, c'est sa que personnalité, de ce qu'elle pense. Mais du coup, bon, c'est... Puis même, parfois, c'est inconscient, en fait, le jugement comme ça. On peut parler avec quelqu'un et on va être poli et tout, sympa. Ouais. Et après, on va se dire, oh là là, il ou elle était trop bizarre. Ou alors, ouais. Ça me saoule et tout. Et en fait, c'est même pas méchant, c'est même pas contre quelqu'un, mais c'est qu'on a tellement intériorisé le fait de juger et de comparer tout. Oui, que, bon, c'est... qu'on trouve bizarre dès que ça sort un peu de la norme. En fait, dès que c'est, je sais pas. Ouais. Mais voilà, c'est automatique un peu, le jugement. Ouais. Et, dans certains cas, il faudrait vraiment qu'on essaye de s'en échapper parce qu'il n'y a pas besoin de, dans certains cas, de juger tout le temps tout le monde comme ça. C'est marrant parce que pour moi, ça va un peu dans l'autre sens. Je me demande comment est-ce que la personne a pu appréhender la discussion qu'on a eue. Je me dis, ah, ça se trouve, j'ai été trop insupportable, ça se trouve, j'ai trop parlé de moi. Et si ça se trouve, tatati, tatati, tatata. Alors qu'en fait, la personne n'a jamais remarqué tout ça et elle l'a pas vu. Oui, Sarah. Je te le redis, la personne ne l'a jamais pensé. Donc ne pense pas ça. Mais nous-mêmes, on a tellement intériorisé. On a intériorisé le fait qu'on juge et qu'on va être jugé. Et du coup, nous-mêmes, on se contraint dans ce qu'on fait et ce qu'on dit, en ayant peur d'être jugé. Et au final, c'est beaucoup trop extrême par rapport à la réalité. Ouais, c'est clair. Mmh. Et puis, il y a un truc aussi que Émilie a dit, et je me suis vraiment reconnue là-dedans, c'est que on est souvent... Enfin, moi, personnellement, je sais que c'est le cas pour moi. Je suis souvent mal à l'aise avec les personnes que je connais un peu de loin. Enfin, je les connais, mais je les connais tout pas fait, vraiment non plus. Ouais. Du coup, je sais jamais trop ce qu'elles pensent de moi et je sais jamais trop comment me comporter avec elles. Mmh. Avec ça, c'est... Mmh. C'est particulier, je sais pas quel regard elles ont sur moi, justement. Ouais, tout à fait, je suis totalement d'accord. Puis surtout dans le cadre du lycée, de l'éducation, et puis même à la fac, donc et dans l'entreprise, dans les grandes multinationales, je suppose, un endroit où beaucoup de monde se côtoie, et il y a vraiment un très grand nombre de personnes, et t'en connais qu'une infime partie de manière proche, donc c'est le cas au lycée, avec tes amis et tous les élèves en général, mais c'est pareil, ça peut s'étendre partout. En fait, on est plus ou moins proche des gens qui y sont parce qu'on est relié par le fait d'avoir le même âge, d'être dans le même type d'emploi, d'être au même lycée, à la même fac, les mêmes études. Et pourtant, on n'arrive pas à être proche. Et j'ai l'impression, et ils l'ont un petit peu... Ouais, surtout Émilie l'a dit, j'ai trouvé ça hyper intéressant, que quand tu connais la personne, mais pas trop, t'es un peu dans une phase de découverte, une phase de est-ce que la personne va m'aimer ou pas, est-ce qu'on va devenir amis, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et on se sent un peu forcé d'agir de telle ou telle façon pour être aimé, pour qu'on nous trouve drôle, etc. Et parce que c'est des gens qu'on connaît pas trop, alors que les gens dont on est déjà proche, on va être beaucoup plus à l'aise avec eux, bien moins tendu et bien moins réfléchir à tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit. Oui, c'est clair, et surtout qu'on se souvient pas en fait du début de l'amitié où on était dans cette phase de ah, je connais pas tellement cette personne, est-ce que on s'en souvient pas en fait. Exactement. Et ça nous a, ça nous marque pas, et non, c'est fou. C'est ça. Pour revenir aussi un petit peu sur ce que Timothée a dit, j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'il va un petit peu au fond des choses en parlant de pression sociale, de normes sociales. En fait, c'est pour moi, enfin, c'est un petit peu la théorie si on veut, mais c'est tout ce qu'il y a. C'est sûr que, en fait, quand on est enfant, par exemple, un enfant qui marche avec sa maman dans la rue, et ils vont passer devant, je sais pas, un mendiant ou devant une femme qui est en train de chanter toute seule, et elle va dire oh là là, regarde pas, ou alors oh là là, viens, on s'écarte ou traverser. Et par exemple, un autre parent qui aurait rien fait et qui serait passé à côté en marchant, l'enfant, il va pas du tout voir la chose de la même façon. Et en fait, on intériorise et on apprend différemment toutes les choses. Et du coup, chaque personne juge les autres différemment et en fonction de son statut social, etc. Et en particulier, c'est pas trop le cas dans nos vies à Saint-Étienne, mais par exemple dans les grands milieux parisiens, où je pense même au rallye, où il y a les jeunes de familles bourgeoises qui se rencontrent entre eux dans des grandes soirées. En fait, c'est inimaginable à quel point le jugement il peut être un peu partout. Et c'est même pas un jugement... une vision négative, en fait. C'est juste le fait d'avoir intériorisé une façon d'être. Il faut être comme ça. Moi, je suis comme ça. Et puis aussi, la tendance à toujours rechercher ce qui nous ressemble. C'est-à-dire, moi, je suis comme ça. Moi, je pense comme ça. Moi, je m'habille comme ça. Et on a tendance à vouloir trouver pareil. Et même pour ce qui est l'homogamie sociale, etc. C'est-à-dire les gens qui se marient entre le même type de personnes, si on veut. C'est totalement ça, en fait. Et je trouve ça fou à quel point on cherche à la fois un miroir et à la fois à être dépaysée. Bah, ouais, notamment aussi avec les vêtements, tout ça. Donc, il y en a beaucoup qui en ont parlé. Oui, c'est clair. Mais le regard des autres, en fait, comment il nous impacte directement au quotidien? Ben, déjà par les vêtements. Ouais, je suis grave d'accord. Déjà par les vêtements. Ouais, l'apparence, ouais. C'est toujours... Voilà, je pense que, enfin, en tout cas, moi et quelques jeunes qui en ont parlé, on s'habille pas comme forcément on voudrait s'habiller, mais on s'habille selon des codes. Et aussi, on essaye de s'habiller pour plaire, pour qu'on pense... soit quelque chose de nous, soit au contraire rien du tout et qu'on se fonde dans la masse. Voilà. Ouais, exactement. Et puis en fait, ouais, les vêtements, c'est un peu l'outil qu'on utilise pour montrer aux autres qui on est quand ils ne nous connaissent pas. Totalement. Et ça, je trouve ça marrant. Et du coup, j'admire trop les personnes qui assument un style vraiment particulier. Je pense à une fille dans notre lycée en particulier. C'est la poste. Qui a un style incroyable. et qui ose en fait, et c'est juste trop bien. Ouais. Franchement. Et au final, on pense rien d'elle. Mais c'est ça, exactement. Et si, au contraire, on pense du bien, d'ailleurs. Oui, on pense du bien. On va pas la juger. Ouais, et d'ailleurs, je voulais revenir sur cette pensée positive, parce que je crois que c'est Émilie qui a dit ça, mais qui a dit qu'en fait, le regard des autres, il ne faut pas aussi oublier qu'il peut être positif. Oui, exactement. Voilà, et ça m'a vraiment fait titer, parce que, en fait, je n'y avais même pas pensé une seconde, là. Oui, pendant toute la préparation de cette émission, je n'avais même pas pensé au fait que le regard des autres, ce n'était pas que négatif. J'étais dans comment il nous impacte, qu'est-ce qu'il nous fait. Mais en fait, des fois, juste, il est positif. Parce qu'on pense toujours que les autres doivent penser quelque chose de négatif sur nous, doivent se dire s'ils doivent se dire ça. Mais si tout ce qu'ils disaient, tout ce qu'ils pensaient, c'était juste positif. Tiens, j'ai parlé à cette fille. Tiens, bah, j'ai bien aimé notre conversation. Voilà. Enfin, ça peut être des choses, ça peut être plein de choses, et en fait, ça peut être positif. Mais c'est clair, juste moi, ça m'arrive plein de fois de croiser quelqu'un dans la rue et me dire « Ah ouais, elle était vraiment jolie. » Ou alors « Ouais, waouh, son sac, il est trop beau. » Et « Waouh, elle est... » Enfin, je bien sais sûr, pas, mais... Ouais. Ouais, c'est clair, mais en fait. Ouais, c'est totalement ça. Puis rien que le fait de vivre en société, vivre avec des gens qui nous entourent, en fait, le regard des autres, il est constamment là. Et moi non plus, j'y avais pas du tout pensé, mais c'est vrai que ce regard, il peut être neutre, il peut être positif, il peut être... On serait rien sans le regard des autres, en fait. Et pour revenir aussi sur ce que Merwan disait, quand il parlait des amis, en fait, que les amis, ça peut être un vrai soutien par rapport à un regard... extérieur qui soit négatif, par exemple les professeurs ou de la critique. Ouais. Et en fait, les amis, c'est ça, on cherche à la fois des gens qui nous ressemblent, mais aussi une sorte de cercle de confort où on puisse se sentir bien, on puisse être rassuré par rapport au regard des autres qui fait si peur. Et trouver des gens qui nous ressemblent ou juste avec qui on se sent bien, c'est... Ouais, j'ai bien aimé qu'ils disent ça, parce que c'est vrai, ça peut vraiment être une force quand on est face à une critique qui nous dépasse totalement, parce qu'on ne va pas changer qui on est et ce qu'on fait pour les attentes de certains, et parfois on ne peut pas, rien que pour ce qui est des questions de mode, si on est jugé pour la façon dont on s'habille et que tout simplement on n'a pas les moyens d'acheter un sac Louis Vuitton ou un tailleur Ralph Lauren, et ben, on ne pourra pas, et c'est dur d'endurer... une critique et le regard des autres quand on peut rien y faire, juste pour qui on est, en fait. D'où l'importance des amis. Et moi aussi, pour rester sur ton sujet, je voulais dire que les amis, pour moi, c'est aussi super important par rapport à ça, parce qu'en fait, ils nous empêchent d'un côté à laisser courir notre imagination face au regard des autres. C'est-à-dire que quand on est tout seul, on va se dire plein de choses, on va repenser à plein de choses qui se sont passées avec quelqu'un ou à juste ce qui ne s'est pas passé, peu importe, mais on va s'inventer des scénarios même. On va beaucoup s'inventer des scénarios. Ouais, c'est clair. Et en fait, si on est avec des amis et qu'on commence à parler, à dire et ben juste, ils vont dire « Chut, tu t'arrêtes, vraiment !» Non, mais c'est véridique. Ils vont vraiment... concerner, là. Bah, écoute, Sarah, je rigole. Non. Vraiment, mais oui, ils vont, en fait, ils vont casser le truc et le cycle qu'on se fait quand on se morfond, quand on est tout seul. Et je pense qu'il peut être difficile. Et notamment si on est tout seul et qu'on se renferme sur les réseaux sociaux et qu'en fait, les réseaux sociaux sont... bah, notre seul ami, entre guillemets, du coup, et ben à ce moment-là, les réseaux sociaux, ils nous laissent faire preuve d'imagination, parce qu'on s'imagine la vie des autres, waouh, des stories, plein de choses, on s'imagine le corps des autres, on s'imagine nous par rapport à ça, on se compare sans cesse. Donc je pense que les amis, c'est super important, parce que ça nous fait relativiser et prendre du recul, en fait. Ouais, c'est clair. Et puis pour revenir sur les réseaux sociaux, ça m'a rappelé un truc que Chloé a dit. Elle a parlé de tendances qui sont effrayantes sur les réseaux sociaux. Et moi, ça m'a tout de suite fait penser à ça. Ça m'a fait penser au skinny talk. Je sais pas si vous savez ce que c'est. Oui, c'est genre une sorte de tendance qui prône la minceur, en fait, juste ne pas se nourrir pour être mince. Enfin, c'est horrible. Ouais, c'est poussé à l'extrême. Et c'est tellement toxique. Enfin, c'est affreux, quoi. Ouais. Ça peut complètement bouleverser le regard qu'on a sur nous-mêmes, en fait. Genre notre rapport au corps et tout. Ouais, bien sûr. Enfin, je trouve ça terrible, quoi, que ça puisse exister. Et... Ouais, je suis d'accord. Puis concrètement, il y a des trucs de folie qui passent. Une vidéo, tu vois une fille qui prend ses écouteurs, filaires pour... ses écouteurs, quoi, et qui les passe autour de sa taille pour voir combien de tours elle pourra faire, combien ça mesure et tout. Et elle dit et vous, les gars, ça fait combien vos écouteurs autour de votre taille? Ce genre de truc débile. Mais en fait, quand t'as 11, 12, 13 ans, tu regardes ça, tu vas prendre tes écouteurs et tu vas tester. Et franchement, c'est affreux parce que quel intérêt? Ça peut juste nous mettre mal en face devant notre miroir alors que tout va bien, en fait, tout va très bien. Et puis, ouais, pour revenir un peu sur les réseaux sociaux et les questions de génération, on leur a un peu demandé aux jeunes qu'on a interviewés. Clairement, je pense que les réseaux sociaux, ils l'ont un peu tous dit, c'est une pression qui est constante, en fait. Parce que même si la pression sociale et les normes sociales pouvaient être plus fortes à l'époque de nos parents et grands-parents, je pense que mai 68, ça a été une vraie libération pour les femmes. Et puis même, quand on y repense, le port du pantalon n'était pas autorisé. Ouais. Enfin, je pense que les normes sociales étaient beaucoup plus strictes à l'époque. Mais on avait quand même des zones où on pouvait véritablement échapper au regard des autres, au regard de la masse. Quand on était chez soi, dans sa chambre, on était chez soi, seul, dans sa chambre. Ouais. Alors que maintenant, on est chez nous, dans notre chambre, avec notre téléphone. Et en fait, c'est... Des centaines de photos, de vidéos sont à portée de main et on s'imagine ce qu'on devrait être, ce à quoi on devrait ressembler. Et rien que le regard des autres vis-à-vis de nos pratiques et de ce qu'on fait, si un samedi soir on est tranquille dans notre lit à se reposer et qu'on voit les autres qui sont en boîte, qui sont au bar, qui sont en concert, c'est hyper violent en fait parce qu'on est constamment en train d'être comparé malgré nous du moment qu'on utilise les réseaux sociaux. Donc en cela, je pense qu'on est beaucoup plus impacté et beaucoup plus conscient du regard des autres qui est un peu plus omniprésent aujourd'hui qu'avant. Et plus soucieux aussi. Enfin, on fait toujours attention à comment on ressemble. Enfin, moi, en tout cas, j'essaie de ne pas trop le faire, mais enfin, c'est un peu obligé même, parfois. La façon dont on se présente, sur les réseaux sociaux, l'image qu'on donne de nous, les vidéos qu'on partage, on répond directement au regard des autres, quoi. Et c'est un mécanisme bien huilé de qu'est-ce que je poste, qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce qu'ils vont voir, l'image que je veux donner, ce que je vois des autres, ce qu'ils veulent me montrer. Et en fait, c'est des artifices, moult des artifices superposés. De la poudre de perlimpinpin. Ouais, mais surtout, tout ça, ça engendre de la pression et du stress, en fait, du stress. Il ne faut pas oublier que le regard des autres, il faut faire attention, je pense. Ouais, c'est clair. Même s'il peut tempérer des fois. Be yourself, soyez vous-même. Libérez-vous de vos carcans. Eh bien, malheureusement, il est l'heure, donc on va maintenant se quitter. On espère que cette émission, elle vous aura plu et que le sujet vous aura intéressé. On remercie les personnes qui ont répondu à nos questions. Et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. On vous fait des bisous et prenez soin de vous. Au mois prochain. Hey!